بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، nous continuons inshallah ta'ala mes frères le tafsir de Surat al-Balad, et nous avons étudié la semaine passée les deux premiers versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la uqasimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad. On a dit que le lam ici c'était naam al-qasam et non pas lam al-nafiya, hein. Ici c'est pas la négation, hein, c'est naam pour il jure, Allah jure afin d'affirmer بهذا البلد, par cette contrée, cette ville qui représente Mecca. وانت حل بهذا البلد. Et là il s'adresse à qui? Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait donné les deux explications concernant ce verset, hein? Le fait que la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette contrée, hein, rajoutait en noblesse et en honneur à cette contrée, ou également le fait que Allah Azza wa Jalla a rendu licite cette contrée Mecca uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une période donnée, qui était la conquête de la Mecque. En quelle année? En la 8. Hein. Plus aucun de nous va oublier, Inch'Allah. Taïm, on continue. ثم قال الله سبحانه وتعالى ووالد وما ولد يعني وأقسم بالوالد وما ولد. فمن المراد بالوالد ومن المراد بالوالد ومن المراد بالولد. Donc ici Allah continue à jurer et jure par الوالد en arabe c'est le père. Al-walid c'est le père. Wama walad, al-walad c'est le fils. D'accord? Donc ici, quel est le sens? Quelle est la signification, hein, du walid wama walad? Hein? Il n'a pas un père, il n'a pas de fils. Non, là il jure là. Et par le père et ce qu'il a engendré, si on traduit littéralement. Donc tu confonds qu'il y a l'amialid ou l'amioled. Non. Mais ici, il jure, hein, par le walid, le père, hein, par le père, celui qui l'a engendré. Qu'il al murad bil walid Adam. Wa bil walad banu Adam. Wa ala hadha takunu ma bima'na man. Ay wa walidi wa man walad. Lianna man lil uqala wa ma li ghayr al aqil. Donc certains ont dit que Walid, le père ici, c'est qui? Adam alayhi salam, hein? Abou al-Bashar, le père de l'humanité, hein? Aucun musulman n'ignore que le premier homme à avoir été créé est Adam et qu'il est le père de l'humanité. Wama walad, et donc ça voudrait dire et Banu Adam, c'est-à-dire et sa descendance. Yani, c'est les êtres humains. Banu Adam. Donc ici, le main, il aurait de sens de men. Ça, c'est permis en arabe que le ma, il a le sens de men. Alors on va rentrer un peu dans la langue arabe. Quand on parle des êtres humains, on va dire men. Men huwa. Huwa Abdullah. Hein, parce qu'il est aqil, il est doué de raison. Donc on dit men, on ne dit pas ma huwa ou ma hadha. Parce que là, on ne parle pas d'un objet. On parle de quelqu'un qui a doué de raison. Ma hadha, hadha Muhammad. Man hadha, j'ai dit quoi, ma? Man hadha, hadha Muhammad. Man hadha, hadha mudarrisun. Man hadha, hadha talibun. On parle de quelqu'un qui est doué de raison. Mais si on veut parler de quelque chose, hein, quelque chose qui n'est pas doué de raison, ma hadha, hadha kitabun, hadha qalamun, hadha himarun, hadha hisanun. Hein? Et ceux qui ont étudié les livres de Médine, ça doit leur rappeler beaucoup de choses. Donc ici, le sens de wa ma walad, ça aura pour sens wa man walad, c'est-à-dire banu Adam. Wa qila al murad bil walid wa ma walad kullu walidin wa ma walad al insan wal bahahim wa kullu shay li anna al walid wal maulud kilahuma min ayatillahi azza wa jal. Et d'autres ont dit parmi les Mufassiroun, parmi les exégèses du Coran, que le sens de l'Walid et de Wama Walad, c'est-à-dire tout père et tout ce qui est engendré, que ce soit parmi les êtres humains ou que ce soit parmi les animaux. Toute chose, le père est ce qu'il engendre parmi les êtres humains, parmi les animaux, parmi les insectes, etc. Ni toute chose, le père est ce qu'il engendre. Car Al-Walid, le père, et Al-Mawlud, et celui qui naît, hein, tous deux sont des signes d'Allah Azza wa Jal. Tous deux sont des signes d'Allah Azza wa Jal. كيف يخرج هذا المولود حيا صويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. Comment se fait-il que l'enfant, celui qui est engendré, devienne vivant, parfaitement constitué, qui entend, qui voit, à partir de quoi? À partir d'une goutte. Une goutte de quoi? Une goutte de sperme. À partir d'une goutte de sperme, un enfant sort. Un enfant constitué, bien constitué, qui entend, qui voit, qui est vivant. Ceci fait partie des preuves de la perfection de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا الْوَلَدَ السَّوِيِّ يَخْرُجْ مِنْ نُطْفَةٍ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Donc cet enfant, hein, il sort, hein, et il provient d'où? D'une goutte. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'homme ne voit-il pas, hein, que nous l'avons créé à partir d'une goutte, puis ensuite il est devenu, hein, un ennemi manifeste. كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة ثم تكبر إلى ما شاء الله تعالى من حد. Également les insectes. Les insectes et autres, lorsqu'ils naissent, ils sont faibles. Ils sont diminués. Hein? Et ensuite, ils grandissent. Ils grandissent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils grandissent et qu'ils arrivent. Regardez certains animaux. Regardez les éléphants. Ils naissent, un petit éléphant comme ça. Ensuite, hein, le plus gros animal, hein, qui existe sur Terre. Etc. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, hein, a créé ces êtres, hein, à partir d'une goutte. Et ils sont devenus, hein, des créatures, hein, à l'opposé de cette goutte, hein, totalement différent. Et ça fait partie de la perfection, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe d'Allah azza wa jal. Wa sahih anna hadha 'am tashmalu kull walid Wa kullu maulid. Et ce qui est plus juste dans l'explication de cette, de ce verset, c'est que ça englobe tout. Chaque père et chaque enfant qui est engendré. لقد خلقنا الإنسان في كبد ألامنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا وقد تزيد الجملة تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات. Ici لقد il y a un lem, ensuite le mot qad. Le lem ici, c'est la réponse à quoi? Au qasam, au fait d'avoir juré. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, la uqasimu bihada al-balad. Wa anta hillu bihada al-balad. Wa walidi wa ma walad. Allah, il jure par ces choses. C'est quoi la réponse à? Il jure sur quoi? Pourquoi? La qad khalaqana al-insan. Donc le lem ici, c'est pour répondre. Je sais pas comment dire, juron, non, ça se dit pas juron. Juron, c'est pas les insultes. Il répond au fait qu'Allah Azza wa Jalla a juré. Et ça, pour faire quoi? Pour appuyer, pour affirmer, pour confirmer. Et le qad, pareil. Le qad, on l'utilise en arabe, qad, pour appuyer, pour affirmer. Qad jittu l'ams. Or, je suis venu hier, je suis vraiment venu. C'est pour appuyer. Donc là, Allah Azza wa Jal, dans cette phrase, il appuie, il confirme, il affirme cette phrase avec trois éléments. Premier, il a juré. Deuxième, le lem. Troisième, qad. Il jure sur quoi? Khalaqna al-insan. Nous avons créé al-insan. Et je vous rappelle, mes frères, qu'ici Allah Azza wa Jal parle de lui, subhanahu wa ta'ala, avec le pluriel. Nous avons créé. Hein? Ne vous laissez pas tromper par les égareurs égarés qui veulent vous faire croire que ça, c'est une preuve que Allah n'est pas tout seul. Parce qu'il a dit nous. Hein? Non. En arabe, tout comme dans d'autres langues, hein, même en français, certaines personnes utilisent le pluriel pour parler... c'est une personne qui a une haute place. Hein, comme le roi a dit, nous avons fait cela, ou nous avons fait ceci. Alors que c'est lui qui l'a fait, mais il parle de lui à nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, utilise ce procédé en arabe. Khalaqana al-insan, al-insan ismu jins. يَشْمَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ. الإنسان, c'est ce qu'on appelle en arabe ismu jins, c'est-à-dire le nom d'une famille. Ici, ça englobe tous les êtres humains parmi les descendants de Adam. الإنسان, ça englobe tout le monde, l'être humain, sans aucune distinction. في كبد. كبد فيها معنيان. كبد, il y a deux sens qui a été rapporté par deux principaux sens ou significations mentionnés par les gens du tafsir. المعنى الأول في استقامة يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة مستقيما يمشي على قدمي ويرفع رأسه وبدنه معتدلا والباهم بالعكس الرأس على حظ الدبر أما بنو آدم فالرأس مرتفع أعلى البدن فهو كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Le premier sens qui est mentionné par les ulema, par les gens du tafsir sur al-kabad, nous avons créé l'être humain fil kabad. Ça veut dire quoi fil kabad afan? Ça veut dire quoi fil kabad? Yani al-istiqama, yani sur le fait d'être droit. C'est-à-dire qu'il a été créé, l'être humain, de la façon la plus parfaite. C'est-à-dire qu'il est droit et il marche sur ses deux jambes. Hein? L'homme, il n'est pas à quatre pattes. L'homme, il n'est pas de travers. Il est droit. Hein? Et il marche avec ses deux jambes. Sa tête est haute. Hein? Et son corps est balancé. Yani, hein, son corps est... Yani, droit. Il est... Hein? Yastab, voilà. Non, Mahsant. Contrairement à quoi? Aux animaux. Regardez les animaux. La plupart du temps, leur tête, elle est dans la lignée de quoi? De leur derrière. Hein? L'animal, généralement, c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils marchent à quatre pattes, contrairement à l'homme qui, lui, est droit. Hein? Même les animaux qui arrivent à marcher sur deux jambes, tu les vois, ils sont, hein, ils sont courbés. Ils sont pas droits comme l'homme. N'est-ce pas? Il y a un animal qui est droit comme l'homme, qui marche comme ça, de façon stable, etc. Non. Donc, les êtres humains, Allah Azza wa Jalla a fait que leur tête, hein, soit tout en haut de leur corps. Et Allah a dit, nous avons certes créé l'être, au sens approché, nous avons certes créé l'être humain de la meilleure manière, de la meilleure création, ou de la meilleure forme. Comme dans Surat At-Tin. On l'a déjà expliqué dans Surat At-Tin. Ça, c'est le premier sens. Donc, nous avons créé l'être humain, en gros, hein, sous une forme adéquate, parfaite, à ce qu'il a besoin. وَقِيلَ الْمُرَادْ بِكَبَدْ مُكَابَدَةُ الْأَشْيَا وَمُعَانَاتُهَا وَأَنَّ الْإِنسَانِ يُعَانِي الْمَشَقَّةِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَفِي تَلَبِ الرِّزْقِ وَفِي إِصْلَاحِ الْحَرْثِ وغير ذلك ويعاني أيضا معانا أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله وهذا الجهاد الذي هو أشق من معانا طلب الرزق وطلب الرزق ولا سيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبا فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. L'autre sens qui a été rapporté pour Kabad dans ce verset, c'est que ça a le sens de la difficulté dans les choses, hein? La souffrance, hein? Un dur labeur. En effet, l'être humain, il va subir toutes sortes de difficultés dans les choses de la dunya. Ça, personne ne peut l'ignorer. Dans le fait de rechercher sa subsistance, il va rencontrer des difficultés, des souffrances. Et dans toutes les choses de cette dunya. Et il va subir des souffrances encore plus fortes avec sa propre âme. Lorsqu'il va combattre sa propre âme, afin de quoi? Afin d'être sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de s'écarter de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, c'est un djihad. Ceci, c'est une lutte. L'être humain, il lutte. Combien de fois, hein, tu es chez toi, l'adhan, il retentit. Tu es fatigué. Peut-être tu es malade, tu viens de te réveiller. Shaitan dit, prie à la maison. Hein? Prie à la maison, c'est pas grave. Hein? Mais toi, tu te bats, tu luttes avec toi-même. Pourquoi? Pour être sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Combien de fois une chose passe devant toi sur les écrans ou dans la rue ou n'importe où qui est haram, tu n'as pas le droit de regarder. Mais Shaitan, il dit, regarde, quelques secondes. Et toi, tu luttes avec ton âme pour ne pas rentrer dans cette désobéissance. Donc ce djihad est encore plus difficile que les souffrances que tu vas rencontrer dans la recherche de ta subsistance. Le fait de lutter contre son âme afin d'obéir à Allah et afin de ne pas rentrer dans la désobéissance à Allah, ça va être encore plus difficile que les souffrances que tu vas rencontrer hein, pour aller travailler, pour gagner de l'argent et acheter à manger. Et plus particulièrement, si tu as été éprouvé avec un environnement égaré et tu es devenu un étranger. Et ça, je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent. L'ont subi ou le subit encore aujourd'hui. Tu es dans un environnement qui sont sur l'égarement. Tu es dans une maison, dans un quartier, dans une ville, dans un pays qui sont soit pas sur l'islam ou pas sur le bon islam. Et toi, en voulant suivre l'islam authentique, tu deviens étranger. Tu es éprouvé par cela. Et tu te bats. Tu te bats afin d'obéir à Allah, d'accomplir les obéissances et de ne pas tomber dans les péchés. Tu trouveras donc des difficultés. Et encore pire dans cette situation où tu as les difficultés avec ta propre âme, hein, à la combattre, ta propre âme, et à combattre hein, les gens qui vont te faire du mal. Tu auras la souffrance de ton âme et les souffrances des gens. Ou causées par les gens. Donc ici, Kabed, mon frère, deux sens. Soit le fait que l'homme a été créé droit, hein, de façon rectiligne, hein, de façon parfaite, afin qu'il puisse hein, accomplir les besoins qu'il a besoin d'accomplir, ou soit l'homme a été créé, nous avons créé l'homme hein, dans la souffrance, ou pour la souffrance. On a vu les types de souffrances. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَفَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةَ شَامِلَةً لِلْمَعْنَيَيْنِ. Et si quelqu'un demande, n'est-il pas possible que le verset implique les deux significations? Et normalement, vous savez tous la réponse. C'est quoi la réponse? S'il y a deux sens qui ne s'opposent pas, on peut prendre les deux sens. Non, la règle dans le tafsir, si un verset implique deux significations et qu'il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre ces deux significations, alors on applique les deux significations sur le verset. فَالْجَوَابَ بَلَا وَهَكَذَا يَنْبَغِي إِذَا وَجَدْتَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ آيَةً تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُنَاقَضَةً فَحْمِلْهَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ. Il dit bien sûr. Et c'est comme ça que tu dois faire. Si tu trouves dans Al-Qur'an un verset qui implique deux significations, et il n'y a pas entre ces deux significations de contradiction ou d'opposition, alors applique ces deux significations au verset. لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَشْمَلْ وَأَوْسَعْ. Car le Qur'an, hein, il est complet, il est vaste. Par contre, si dans les deux significations qui sont proposées ou qui sont possibles, il y a une opposition ou une contradiction, alors là, il faut que tu regardes c'est quoi la vie le plus juste, le plus sûr, le plus authentique. Famathalan. Ah, il vous donne un exemple. Si Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il donne un exemple pour illustrer cela. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Hein? Et les femmes divorcées, hein, elles doivent se retenir leur propre personne, hein, pendant trois قروء. قروء جمع قر بفتح القاف. فما هو القر؟ قروء, c'est quoi? Trois quoi? Ça correspond à quoi? Hein? Qurou, c'est le pluriel de qar en arabe. Mais ça représente quoi, al-qar? Qila ou al-haid? Wa qila ou al-tuhur? Certains ont dit, c'est al-qar, c'est les menstrues. Donc la femme, elle se retient pendant trois périodes de menstrues. D'autres ont dit non, c'est l'état de pureté. Donc la femme, elle se retient pendant trois états de pureté. Hein, après que le divorce a été mentionné. Vous connaissez ça. Et malheureusement, beaucoup de musulmans l'ignorent et ne l'appliquent pas. Si le mari dit à sa femme, anti taliq, tu as divorcé. La femme, elle prend ses bagages, elle part, salam alaikum, à jamais. Beaucoup, ça arrive, ça, n'est-ce pas? T'entends, on te dit, ouais, elle est partie, ça y est, je la vois plus. Non. Là, il y a juz, c'est pas permis. Si l'homme dit à sa femme, anti taliq, elle doit rester dans la maison. Elle doit rester dans la maison et elle est toujours la femme de cet homme. Pendant 3 qurous. Et c'est ça là, maintenant le sujet. Est-ce que c'est la période de menstrue ou est-ce que c'est la période de pureté? Je vais me dire, peu importe. Si, ça importe. Parce que ça veut dire, à partir de... La femme, elle est divorcée, elle est en état de pureté. Elle est divorcée. D'accord, si c'est 3 menstrues. Donc première menstrue, ensuite elle est pure. Deuxième menstrue, ensuite elle est pure. Troisième menstrue, la fin de cette troisième menstrue, c'est plus sa femme. Elle doit sortir de la maison. Ils sont des étrangers. Il n'a plus le droit de la voir sans voile. Il n'a plus le droit de lui parler tout seul, etc. C'est plus sa femme. D'accord, mais si c'est pur, l'état de pureté, il la divorce, elle est en état de pureté. Hein? Première menstrue. Hein? Ensuite, premier état de pureté. Ensuite, deuxième menstrue. Deuxième état de pureté. Troisième menstrue. Ensuite, troisième état de pureté. Donc ça rallonge le temps. D'accord? Donc le temps est différent. Hein? Sans rentrer dans les divergences, est-ce qu'on compte le moment où elle est en état de pureté, ce compte-là? Ça, c'est dans le chapitre du divorce qu'on voit ça. Mais c'est juste pour vous montrer ici. Est-ce que ici, il est possible que le verset ait le même sens? Les deux sens, pardon. Non! هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين أو تحمل الآية على المعنيين جميعا للتناقض. Ici c'est pas possible que le verset veut dire les deux sens parce qu'il y a une contradiction entre les deux sens. لكن اطلب المرجح لأحد القولين وخذ به. Mais dit, tu recherches c'est quoi l'avis le plus sûr, le plus juste, hein, et tu prends l'avis qui est le plus juste. Et on étudiera ce sujet. Là, c'est juste un exemple pour que vous compreniez, hein, dans les cours concernant le divorce. فهنا نقول لقد خلقنا الإنسان في كبد يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين أي في حسن قامة واستقامة في كبد في معاناة لمشاق الأمور. Donc ici, hein, la parole d'Allah سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. Hein, ça peut vouloir dire le fait que nous l'avons créé, l'être humain, de façon droite, hein, rectiligne, d'accord, ou alors que nous l'avons créé, un fait, voué pour la souffrance qu'il va rencontrer dans sa vie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, أَيَحْسَبُ أَنْ لَا يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose la question ici, hein, afin, hein, c'est ici, استفهام, إِنْكَارِ, hein, afin de réprimander. إن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد. يعني il demande ici, est-ce que la personne, hein, l'être humain, avec sa propre personne, avec sa force, hein, qu'il a, est-ce qu'il pense vraiment que personne ne pourra prendre le dessus sur lui? لأنه في عنوان شبابه وقوته وكبريائه وغطرسته فيقول لا أحد يقدر علي أنا أعمل ما شئت. Ça c'est vrai, subhanallah. Et vous regardez l'être humain lorsqu'il est au début de sa jeunesse, hein, les adolescents par exemple, hein, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, hein, il est au début de sa jeunesse, hein, il est au début de sa force, il commence à avoir sa pleine force, hein, commence à s'enorgueillir, à avoir de l'orgueil, à se sentir, hein, d'avoir de la vanité, à sentir plus fort que les autres. Il dit, personne ne peut m'avoir. Moi, personne ne peut me monter dessus. Hein? Je fais ce que je veux. Subhanallah, regardez chez les adolescents. Ça, plein de fois, et même peut-être la plupart d'entre nous sommes passés par cette étape, hein, où tu te sens le plus fort du monde. Hein? Où tu te sens que rien ne peut t'arriver. Hein? Tu es là avec tes amis. Hein? Vous dites, nous, on peut rien nous arriver. Nous, on est les plus forts. Hein? On attend tout le monde. Hein, ça, on est tous passés par cette période, ou la plupart d'entre nous. ومنه قوله تبارك وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. Et parmi ces exemples, hein, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné concernant hein, les Ad, qui était le peuple de Eh ouais, de Houd. Ça me fait peur là, les frères. Les Ad, c'est le peuple de, du prophète Houd. Et les Thamoud Salih, non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sens approché, hein, et quant aux Ad, qui se sont enflés d'orgueil sur la terre, hein, sans aucune raison ou sans aucune. Sans raison. Hein? Alors, ils ont dit, qui est plus fort que nous en force ? فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, leur a répondu au sens approché, et ne voit-il pas que Allah, c'est lui qui les a créés et il est plus fort qu'eux en force. إذن فالإنسان في حال صحته وعنوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد حتى الرب عز وجل يظن أنه لا يقدر عليه وهذا لا شك بنسبة الكافر للكافر أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه وأنه على كل شيء قدير فيخاف منه. Et donc mes frères, l'être humain, lorsqu'il est en bonne santé, hein, lorsqu'il est au début de sa jeunesse, hein, lorsqu'il est en pleine force, en pleine possession de sa force, il pense que personne ne peut prendre le dessus sur lui. Jusqu'à qu'il pense que le Seigneur ne peut rien faire contre lui. Et ça, bien sûr, hein, ça concerne les kofars, les mécréants. Hein, combien de mécréants ? Appelle-le ton Seigneur ou appelle-le ton Dieu. Hein. Ils se croient au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. La'natullahi alayhim. Bien sûr, le croyant, lui, il sait. Le croyant, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, hein, il est au-dessus de lui. Il peut faire ce qu'il veut de lui. Car il sait que Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses. Alors il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant. Yaqul, ay yaqul al-insanu, aydan fi hali ghinahu, wa basti al-rizq lahu, ahlaktu ma lal-lubada. Il dit, qui dit ? L'être humain. L'être humain, hein, lorsqu'il possède des richesses, hein, qu'il est bien au niveau de sa subsistance, il va dire ahlaktu malan lubada, ay malan kathiran fi shahwatihi wa fi maladhatihi. Il dit, j'ai gâché hein, beaucoup d'argent. En effet, il gâche beaucoup d'argent dans quoi ? Dans l'accomplissement de ses désirs, de ses passions. Hein, regardez ceux qui ont de l'argent. Hein, ils dépensent de l'argent dans leurs désirs. Hein, des fois dans le haram, des fois dans le halal, mais avec exagération. Donc ça devient haram. Hein, dans le haram, avec l'alcool, hein, avec les drogues, avec les femmes, etc. Ou alors même dans le halal, hein, par exemple, il achète tous les jours, il achète à manger au restaurant, hein, 10 fois plus que ce qu'il a besoin, il mange un petit peu et il jette. Subhanallah. Yaqulu azza wa jal. Donc ici, il mentionne hein, que l'être humain a dit hein, qu'il a gâché beaucoup d'argent. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne. Ayadhunnu hadha annahu la yarahu ahad. في تبذيره المال وصرفه في ما لا ينفع وكل هذا تهديد للإنسان أن يتغر أن يت أن يت أن يتغطرس يدير سفيرما في الخماسي وأن يستكبر من أجل قوته البدنية أو كثرة ماله. الله lui dit alors au sens approché, hein, ne pense-t-il pas que personne le voit? Dans quoi ? Dans son gâchis, dans son exagération, dans l'argent. Comment il dépense son argent dans les choses qui ne lui servent à rien ? Et tout ceci pourquoi ? Afin d'avertir, afin de mettre en garde l'être humain dans le fait de s'enfler d'orgueil de faire preuve de vanité, hein, de penser, hein, qu'il est fort, hein, dans son corps, qu'il a beaucoup d'argent, hein, et qu'il est, hein, indestructible. On en voit des gens comme ça. Hein, ils ont beaucoup d'argent, grands, costauds, ils pensent que rien va lui arriver. Hein, ils pensent que personne ne peut lui faire du mal. Hein, et je vois des sourires, hein. Il y a des noms qui viennent en tête là. فقال الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. الله أكبر. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment Allah azza wa jalla mentionne ces versets. Et quand vous comprenez le sens des versets et la succession des versets, subhanallah, vous voyez la puissance du Coran et le fait que le Coran n'est pas la parole d'un être humain, que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان. Ici Allah mentionne trois bienfaits qui sont parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a octroyé à l'être humain. C'est là. ألم نجعل له عينين يعني يبصر بهما ويرى فيهما وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان فإن نظر نظرة محرمة كان آثما وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما وإذا نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفديا إلى محذور شرعي فيكون آثما بهذا النظر. Il commence, Allah il dit, au sens approché, ne nous lui avons pas donné deux yeux. Il y a les deux yeux avec lesquels il observe, avec lesquels il regarde. Ces deux yeux, hein, qui conduisent au cœur ce qu'il regarde. Hein, les deux yeux amènent au cœur ce que la personne regarde. Donc s'il regarde une chose qui est haram, alors il devient pécheur. Il devient transgresseur. S'il regarde une chose qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, une adoration, alors il en tire profit. Et s'il regarde une chose qui est permise, c'est-à-dire il n'est pas loué pour avoir regardé ça, mais il n'est pas réprimandé pour l'avoir regardé. Hein ? Moi, je regarde le téléphone parce qu'il est joli, hein, c'est un nouveau modèle, mashallah. Hein, yani, c'est moubah, c'est permis. C'est pas un truc haram. Hein, c'est un nouveau modèle, je l'ai jamais vu, j'observe. D'accord ? Mais par contre, si le fait de regarder une chose permise t'amène, hein, à quelque chose d'illicite dans la législation, alors là, tu deviens pécheur. Alors là, tu deviens pécheur. Hein? Par exemple, hein, y a la télé. Tu regardes, c'est un reportage, hein, sur, hein, je sais pas, les plantes. D'accord? Sur les plantes. Tu regardes le reportage sur les plantes. Y a pas de choses haram, hein, c'est des plantes. D'accord? Non. Mais dans le reportage, hein, comment on appelle ça? Celui qui parle, oui, la mère nature a créé toute cette... Ah, là, c'est plus permis, là. Là, ça devient haram. Parce que c'est une parole de shirk. Hein? Donc, même si le fait de regarder des plantes, c'est pas haram, hein, ce qui en découle, hein, est haram. D'accord? C'est ça qu'ici, hein, ça, j'essaie de vous trouver un exemple, je sais pas, c'est l'exemple qui m'est venu en tête. Al-Adhin, Inch'Allah. Ah. J'aimerais juste terminer vite fait l'explication des trois versets, si c'est possible. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنًا لِسَانًا يَنْتِقُ بِهِ وَشَفَتَيْنًا يَتْبُتُ بِهِ النُّطْقُ. Et une langue et deux lèvres. Une langue avec laquelle il parle. Et deux lèvres avec laquelle, hein, il peut contrôler, hein, ce qu'il dit, ce qu'il mentionne. وَذِهِ مِنْ نِعْمِ اللَّهِ الْعَظِيمَ. Et ça fait partie des bienfaits d'Allah, des bienfaits extraordinaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ بِهَذَا اللِّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ يَسْتَطِيعُ أن يعبر عما في نفسي ولولا هذا ما استطاع. Pourquoi? Parce qu'avec cette langue et ses lèvres, il peut exprimer ce qu'il a en lui. Et s'il n'avait pas cette lèvre, ses lèvres et cette langue, il ne pourrait pas dire ce qu'il y a en lui. لو كان لا يتكلم فكيف يعبر عما في قلبي. S'il ne pouvait pas parler, comment il pourrait exprimer ce qu'il y a dans son cœur? كيف يعلم الناس بما في نفسي. Comment il dit aux gens ou il enseigne aux gens ce qu'il y a en lui? اللهم إلا بإشارة تتعب يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم. Il dit avec les gestes, non seulement les gestes, tu te fatigues. Et celui qui fait les gestes, il se fatigue, et celui qui veut écouter, il se fatigue. Hein? ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يثبت بهما النطق. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla lui a donné une langue avec laquelle il parle et deux lèvres avec lesquelles il peut contrôler les choses qu'il dit. وهذا من هوائي يكون من الرئة يخرج من مخارج معينة. Regardez comment il parle. Il parle avec de l'air qui sort de ses poumons, hein, et qui passe, hein, par des endroits bien précis. إن مر بشيء صار حرفا وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر. S'il passe cet air par une partie, hein, particulière, ça va donner une lettre. S'il passe dans un autre endroit, ça va donner une autre lettre. Et vous savez qu'en arabe, il y a trois endroits d'où les lettres sortent: la gorge, la langue et les lèvres. D'accord. Donc là, le shir, il détaille, hein, cette chose. Comment à partir de l'air qui sort de tes poumons et par rapport à ta gorge qui fonctionne ou ta langue ou tes lèvres, hein, ça va faire la lettre que tu veux. D'accord. Donc il détaille ça, machallah, hein. On va le passer pour pas rentrer, pour pouvoir terminer. Mais dis par exemple le sin ou le shin et le ba. Shin, c'est la langue qui bouge. L'air sort du poumon, ta langue bouge et tu dis shin. Mais si tu dis ba, l'air sort et c'est tes lèvres qui bougent. C'est pour ça que quand on apprend à lire aux enfants ou aux non-arabophones, hein, on leur explique d'où sortent les lettres. Hein? Dans la gorge. Hein? Si ça sort d'un autre endroit que la gorge, c'est pas bien. C'est pas la bonne lettre. Hein? L'aime, la langue. Fa, les lèvres. Donc Allah Azza wa Jalla a créé cette langue et ses lèvres pour que tu puisses parler et tu puisses contrôler ce que tu vas dire. وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْنِ قِيلَ أَيْ بَيَّنَّا لَهُ تَرِيقَ الْخَيْرِ وَتَرِيقَ الشَّرِ. Il y a deux avis sur ce truc et nous l'avons, hein, guidé vers les deux voies. Donc certains ont dit, hein, nous avons clarifié, nous avons, hein, éclairci pour lui la voie du bien et la voie du mal. D'accord. Ça c'est le tafsir le plus répandu. والقول الثاني هديناه النجدين دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف فمن حين أن يخرج وتضعه أمه يطلب ثدي. Et l'autre sens, hein, c'est que nous l'avons guidé ou nous lui avons indiqué lorsqu'il avait besoin de manger quoi, hein, la poitrine de sa maman, hein, les mamelles, hein, pour les animaux, hein, et la poitrine, hein, pour les êtres humains. D'accord. Al-najd, hein, martafa'a min al-ard. Al-najd, c'est ce qui sort de la terre. Et n'est-ce pas que la poitrine de la femme, elle est surélevée. D'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a guidé cet enfant ou a indiqué à cet enfant qui est allaité et qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Hein, il vient de naître, il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois qu'il recherche, hein, à manger, hein, et qu'il recherche le téton de sa mère. والذي أعلمه الله عز وجل. Ce qui lui a appris ça, c'est qui? C'est Allah عز وجل. Directement l'enfant est né, tu vois, il cherche le téton. Naam, naam. Mais là, naam, ça aussi, ça fait partie des miracles d'Allah Azza wa Jal. Mais tu vois, et certains ont dit que c'est ça le sens du verset. Ensuite, subhanallah, bon, on n'aura pas le temps, il reste combien de temps? Une minute. On n'aura pas le temps, mais après, Allah Azza, subhanallah, pardon. Le shir, il mentionne, il rentre en détail. Peut-être on lira la semaine prochaine. Comment l'enfant qui est dans le ventre de la maman, il se nourrit, hein, à partir, hein, du nombril de la maman, hein, et qu'il n'est pas nourri, hein, en lui donnant à manger, ou qu'il y ait quelque chose, une substance qu'il doit manger, hein, afin de quoi qu'il n'ait pas d'urine et d'excréments, etc. Il rentre en détail, on l'expliquera la semaine prochaine, inshallah. Fa jazakumullahu khayran, wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا.